Nous sommes à l'Ouest, et oui, l'Ouest canadien en musique. Et je vous ai dit, je pense que c'est la semaine passée, la semaine d'avant, je vous ai dit que malheureusement, il n'y avait pas de Franco-Ontarien ou d'Acadien en finale de Grand B. Mais il y avait un Francescois que je ne connaissais pas. Et son nom, c'est Lord Byron. C'est lui qui a remporté la 50e édition du Festival international de la chanson de Granby. Et Lord Byron, eh bien, c'est le premier Francescois à se mériter ce prix-là. Donc, quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé un petit mot, savoir, as-tu une chanson, un album? Il m'a envoyé une chanson, ça s'appelle « La merde », une chanson qu'il a chantée justement lors du gala, la finale du Festival international de la chanson de Granby. Donc, on va entendre ça dans quelques instants. En attendant, un album complet de Lord Byron pour découvrir, mieux découvrir son univers. Par la suite, on va entendre Sean Jobin et la pièce « So Close » de son album « Éléphant ». Et je vous le rappelle, 26 octobre prochain, c'est peut-être loin, mais ça va arriver plus vite qu'on le pense. Le 26 octobre prochain, au Centre national des arts, soirée hip-hop avec Sean Jobin, Sam Fay, D-Track, Squirrel Noir et DJ 1Pierre. Donc, on va entendre Sean Jobin et So Close. Par la suite, on va entendre Alpha Toshinesa avec Sans Regret, Sans Remords. Un chanteur hip-hop, auteur-compositeur, qui lui est de Winnipeg, plus précisément Saint-Boniface. Donc ça s'en vient également. Mais pour l'instant, voici le grand gagnant de Granby de cette année, Lord Byron. Chaque matin, je sors dehors, je fais des bricolages jusqu'à temps le ciel est noir. Pas temps à gaspiller, et je sais travailler, rêver son petit rêve et boire son petit café. Mais je suis dans la merde, toujours dans la merde. Pas d'argent pour manger, rien à faire que boire. Je suis dans la merde, toujours dans la merde. J'ai perdu mon tabac, qu'est-ce qu'on fait à soir? C'est à la vie, on fait une de ces maisons pour avoir une seule famille. Pas de temps pour mes amis, j'oublie tous mes amis. Y'a un tiroir dans ma mémoire où je garde leurs esprits. Je fais du jardinage, je me rentre ça. Travailler la veille, ça me fait sans doute bien. Quand on rentre à la maison, on chante la chanson. On boit le petit vin et le citron. Mais je suis dans la merde, toujours dans la merde. Pas d'argent pour manger et la faim de boire. Je suis dans la merde, toujours dans la merde. J'ai perdu mon tabac, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fini avec ces gestes, je ne suis pas comme tout le reste. Je parle un dialecte qui n'est pas de la poésie. Mais y'a de la poésie quand je rentre dans mon cœur. Je crois au Saint-Esprit et j'oublie tous mes douleurs. J'oublie tous mes douleurs. Et demain, et toujours dans la merde. Yeah.

je n'avais qu'un jour à te répondre. Est-ce que je prendrais le téléphone pour entendre ta voix? S'il fallait, je suivrais le fil. Et voilà, belle petite mélodie de Justin Lacroix qui, comme je vous dis, cet automne sera du côté de l'Allemagne faire quelques spectacles de ce côté-là. On lui souhaite un gros merde, hein, parce qu'on peut pas dire un certain mot. Il faut dire le mot de cambronne. Donc, et puis, c'est un gars très sympathique. Il est venu dans les studios de CFRH ici à Panetangouchin. Un gars bien le fun que j'ai recroisé par la suite au gala des Prix Trion en 2017, qui fait de l'excellente musique franco-manitobaine. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est ainsi que se termine l'émission. J'espère que vous avez peut-être fait des découvertes, des artistes que vous ne connaissez pas. À suivre. J'ai toujours de l'excellente musique comme ça à vous proposer. Cet automne, il y a plusieurs bonnes choses qui s'en viennent également. Donc, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Bien entendu, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe et la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CLS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Un beau bonjour à tous les auditeurs dans ces coins de pays-là.